la famille, les amis. Je me tiens devant vous aujourd'hui pour dire ce que le Seigneur a accompli. Mon cœur était troublé par l'amertume, mon âme noyée dans les problèmes. Oh, je me sentais si seul, abandonné, je désespérais. Tout me semblait perdu et dans le tunnel, je ne voyais pas d'issue. Aucun homme, aucune femme, il n'y avait personne qui pouvait m'aider. Mais quand j'ai crié Jésus, Jésus, lui est venu. Depuis que je l'ai trouvé, ma vie a vraiment changé. Sa grâce divine m'a touché. Maintenant je peux avancer sans regarder en arrière. Mais je dis bye bye bye bye à ma misère. Oh, je me sentais si seul, abandonné, abandonné. Je désespérais, je désespérais. Tout me semblait perdu. Et dans le tunnel, je ne voyais pas. Aucun homme, aucune femme, il n'y avait personne qui pouvait m'aider. Mais quand j'ai crié Jésus, Jésus, lui est venu. Mon cœur était troublé quand j'ai crié Jésus. Il a apaisé mon cœur. Oh Jésus, oh Jésus, oh Jésus. Quand j'ai crié Jésus, oh Jésus, il est mon réconfort, mon seul ami. Quand j'ai crié Jésus,